pour moi ce sera un café bien serré. Oh mais oui, monsieur, moi je vais travailler. Vous, vous allez rentrer. Bonne nuit, monsieur. Et pour moi ce sera le pain frais du matin. Mais oui, monsieur, vous vous avez soupé sur les Champs-Élysées. Pas moi, monsieur, moi je suis de cela qu'on ne voit pas. Le pain frais du matin. Oh, c'est tout, monsieur. Et pour moi ce sera un jour d'entre les jours. Ma nuit, monsieur. Ma nuit, monsieur.